Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 78. De la résurrection à son point de départ. Tous les hommes ressusciteront de la mort, et de leur cendre, un mot sur la cendre des morts. 1. Tous les hommes ressusciteront-ils de la mort? Comme tous meurent en Adam, écrivait saint Paul aux Corinthiens, ainsi tous revivront en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 22. Un peu plus loin, le même apôtre, établissant une comparaison entre la semence et la résurrection, disait, 15, 36, ce que vous semez ne reprend point la vie, s'il ne meurt auparavant. On le voit, tous les hommes mourront pour ressusciter de la mort. Les pères embrassent, il est vrai, divers sentiments dans cette question, mais le plus sûr et le plus suivi, c'est que tous les hommes mourront et ressusciteront. Cela est conforme, d'abord, à la justice divine, qui, à cause du péché originel, nous a tous soumis à la mort, ensuite, à l'enseignement de l'Écriture, qui nous apprend que tous les hommes ressusciteront, ce qui ne se peut dire que d'un corps tombé en dissolution, enfin, à l'ordre de la nature, où les choses viciées et corrompues se régénèrent en passant par la mort. 2. Tous les hommes ressusciteront-ils de leur cendre? Tous les hommes ressusciteront de la mort, donc ils renaîtront de leur cendre dans la résurrection générale, sauf un privilège particulier de la grâce. L'Écriture, qui enseigne la résurrection, enseigne aussi la reformation des corps. La justice divine, en infligeant à l'homme la peine de mort, lui a pareillement infligé la dissolution de son corps. On le voit par cette parole, « Tu es poussière, et tu retourneras en poussière. » Genèse 3:19. Ceci, du reste, ne nous sera pas particulier, tous les corps mixtes reviendront à leurs éléments simples. Note. Ce qui reste du corps de l'homme après sa dissolution prend le nom de cendre, à cause de la coutume généralement admise par les anciens de brûler les corps des défunts et de conserver leurs cendres. Le feu, qui purifiera la face du monde, réduira, d'ailleurs, en cendres tous les corps des hommes qu'il trouvera existants, et même ceux des morts, en agissant sur la matière qui en subsistera. Fin de la note. 3. Les cendres de nos corps auront-elles conservé une inclination naturelle pour notre âme? Croire que les cendres de nos corps auront conservé une inclination naturelle pour notre âme, ce serait, ce nous semble, contredire tout à la fois les sens et la raison, car le corps humain peut être ramené aux principes élémentaires dont il se compose, ou être changé dans la chair des autres animaux. De tels éléments, réduits à cet autre état, ne conservent assurément aucune inclination pour l'âme qui les a animés auparavant. Il est néanmoins certain que la divine providence a réglé d'avance que les cendres des corps seront de nouveau unies à l'âme qui les animait, et non pas à une autre âme. Note. L'âme, après la mort, gardant la même nature qu'elle avait pendant son union avec le corps, conserve le désir de lui être uni de nouveau, mais il en est autrement du corps. Question 79. Des corps ressuscités, et d'abord de leur identité. L'âme reprendra le même corps. L'homme ressuscitera identiquement le même. Il n'est pas nécessaire que les cendres reviennent dans les mêmes parties du corps humain. 1. L'âme reprendra-t-elle identiquement le même corps? Je verrai mon Dieu dans ma chair. Ces paroles prouvent que notre corps ressuscitera identiquement le même. Le mot résurrection se dit de ce qui, après être tombé, se relève. Or ce qui tombe par la mort, c'est le corps que nous avons maintenant. Donc ce corps la ressuscitera, et, en effet, l'âme n'ayant pas cessé de vivre, la résurrection ne concerne que le corps, qui seul subit la mort. Si donc l'âme ne reprenait pas le même corps, en vain l'on parlerait de résurrection, il faudrait dire l'assomption d'un nouveau corps. Note. La matière première des choses corruptibles est susceptible de formes diverses, et, comme ce qui se conçoit dans la matière avant la forme y existe encore après la séparation de la forme, il se peut que, quand l'âme a quitté la matière dont elle était la forme vivifiante, cette matière, revenue à son état primitif, conserve, malgré les formes diverses qu'elle revêt ensuite, plus de rapport avec l'âme que toute autre matière. De là la reformation du corps humain avec la même matière qui le composait. Cela se conçoit d'autant mieux que, le corps ne renfermant à lui seul aucune forme substantielle, la mort n'en détruit aucune, puisqu'elle n'atteint pas l'âme. La même matière première étant reprise par l'âme, le corps ressuscitera identiquement le même. Fin de la note. 2. L'homme ressuscitera-t-il identiquement le même? Job, parlant de la vision de Dieu après la résurrection, disait, « Je verrai mon Dieu dans ma chair, je le verrai moi-même et non autre. » Nous l'avons dit, l'homme ne peut parvenir à sa fin dernière que par la résurrection. Or, pour atteindre sa fin, il faut qu'il y arrive identiquement le même, ou bien la constitution de son être serait vicieuse. Donc il ressuscitera absolument le même. La proposition contraire serait une hérésie. Note. On a dit, les choses dont la forme est corruptible ou sujette au changement ne se reproduisent pas numériquement les mêmes. La statue faite avec le métal d'une autre n'est pas numériquement la première statue. Remarquons-le, la forme des choses soumises à la génération et à la corruption ne conserve pas l'existence après la dissolution du composé, tandis que l'âme, après sa séparation du corps, gardant l'être qu'elle avait auparavant, le corps revit par la communication qu'elle lui en fait, sans que l'être substantiel de l'homme ait subi aucune interruption. Rien ne s'oppose donc à ce que l'homme revive identiquement et numériquement le même. Il n'y a point de parité dans l'exemple de la statue dont la forme s'est évanouie avec la statue même, tandis que l'âme survit à la dissolution du corps. Fin de la note. 3. La résurrection replacera-t-elle les cendres du corps dans les parties d'où elles seront provenues? Il se peut très bien que, sans préjudice de l'identité du corps humain, la matière qui en constitue une partie soit transférée dans une autre de même espèce. Mais, pour la convenance des choses, il est très probable que les parties essentielles et organiques reprendront leur première place. Quant aux parties accidentelles, comme les ongles et les cheveux, leur matière aura peut-être changé de situation. Question 80. De l'intégrité des corps ressuscités. Tout ce qui aura appartenu à la vérité de nos corps ressuscitera, les membres, les cheveux, les ongles, les humeurs, etc. 1. Tous les membres du corps humain ressusciteront-ils? L'âme est non seulement la forme et la fin de notre corps, mais la cause efficiente. Elle est par rapport à lui ce qu'elle a pour une œuvre artificielle, car elle contient implicitement et originellement ce qui se manifeste dans nos organes. C'est pourquoi, de même qu'une œuvre artificielle qui manquerait des choses requises par l'art ne serait point parfaite, de même l'homme dont le corps ne répondrait pas pleinement à l'âme n'aurait pas non plus toute sa perfection. Il faut, en conséquence, que tous les membres qui constituent maintenant le corps humain reprennent la vie dans la résurrection, où l'homme revivra tout entier pour recevoir sa perfection dernière. Note. Quand un agent cesse d'agir, son instrument n'est point inutile, il en manifeste la vertu, ainsi les organes corporels, privés de leur office, montreront la vertu des puissances de l'âme, pour faire éclater la sagesse de Dieu. Fin de la note. 2. Les cheveux et les ongles ressusciteront-ils? Il est écrit, « Il ne périra pas un cheveu de votre tête. » Luc 21, 18. Parmi les parties de notre corps, les unes, comme le cœur, les mains et les pieds, exécutent les opérations de l'âme, les autres, semblables aux feuilles qui abritent les fruits, servent à protéger le corps. Et telle est la fonction des ongles et des cheveux. Puisque l'homme ressuscitera dans toute la perfection de sa nature, il reparaîtra avec ses ongles et ses cheveux. 3. Le sang reviendra-t-il dans le corps humain? La résurrection du Christ est le modèle de la nôtre, or le Christ ressuscita avec son sang, autrement, le vin ne se changerait pas en son sang par la consécration eucharistique, donc le sang reviendra dans le corps humain. En effet, tout ce qui contribue à l'intégrité de la nature humaine ressuscitera avec notre corps pour les raisons données précédemment, et tel est le sang qui, destiné par la nature à la formation des organes, a déjà par lui, même une forme déterminée. Note. Le sang complétera la nature humaine et en manifestera la vertu. Fin de la note. 4. Tout ce qui aura appartenu dans le corps humain à la vérité de la nature humaine ressuscitera-t-il? Puisque tous les hommes, et principalement les élus, auxquels le Seigneur a promis qu'il ne périra pas un cheveu de leur tête, revivront dans leur perfection, les choses qui ont contribué à la vérité de la nature humaine ressusciteront avec nous. Les choses inhérentes au principe vital dont un homme tient l'existence ressusciteront avec le corps. Les éléments qui s'y sont adjoints par l'alimentation ne reparaîtront que tant qu'ils seront nécessaires à la complète restauration de la nature humaine, car il en est du corps humain comme d'une cité ou certains citoyens. Disparaissant par la mort, sont remplacés par d'autres, de telle sorte que la population qui, matériellement parlant, passe et revient, reste la même dans l'espèce. L'homme reste le même numériquement, malgré la disparition de certains éléments de son corps remplacés par d'autres. Note. On a demandé ce qui adviendra quand la même chose aura appartenu à la nature humaine dans plusieurs individus, par exemple, lorsque quelqu'un aura mangé la chair de son semblable. Il faut observer d'abord que ce qui est le produit de la nourriture n'appartient pas essentiellement à la vérité de la nature humaine, et que, dès lors, il n'est pas nécessaire que tout ce qui provient de la transformation des aliments reparaisse dans la résurrection, il suffit que cela seul ressuscite qui est indispensable pour la réintégration de la nature humaine dans chaque individu. Quant à la supposition d'un homme qui a mangé son semblable, nous dirons que les chairs mangées, n'appartenant pas à la vérité de sa nature, ressusciteront, non en lui, mais plutôt dans son semblable. Chaque chose ressuscitera dans celui où elle aura mieux atteint la perfection de l'espèce, et si elle s'en est approchée également dans deux individus, elle appartiendra à celui qui l'a possédée primitivement. Fin de la note. 5. Tout ce qui aura existé matériellement dans nos membres ressuscitera-t-il? Si toutes les choses qui vont et viennent dans le corps d'un homme ressuscitaient avec tout ce qui a existé depuis sa naissance, chacun de nous, dépassant de beaucoup sa forme naturelle, serait d'un volume démesuré. Ces choses ressusciteront autant qu'il sera nécessaire pour la totalité du corps humain, mais non dans leur totalité matérielle. Question 81. Des qualités des corps ressuscités. Si tous les hommes ressuscités auront le même âge, la même taille, le même sexe, etc. 1. Tous les hommes ressusciteront-ils dans le même âge? L'apôtre disait, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'état d'un homme parfait, à l'âge de la plénitude du Christ, Éphésiens 4, 13. Or le Christ est ressuscité à l'âge viril, qui, selon saint Augustin, commence à 30 ans environ, donc tous les hommes ressusciteront dans cet âge. En effet, la nature humaine est imparfaite non seulement dans les enfants, où elle n'est pas arrivée à sa perfection, mais dans les vieillards, où elle l'a perdue. Pour cela même, Dieu, qui l'a formée sans défaut, la ramènera, dans tous les hommes, à l'âge où finit l'accroissement et où commence le déclin. 2. Tous les hommes ressusciteront-ils avec la même taille? Chacun ressuscitera avec la taille qu'il aurait eue au terme de sa croissance, en supposant que sa nature particulière n'eût pas trouvé d'obstacle à son développement, ce qui sera nécessaire en plus ou en moins, la puissance divine l'ajoutera ou le supprimera. 3. Tout le monde aura-t-il le même sexe? De même qu'il y aura des différences dans la taille, il y en aura pareillement dans les sexes, mais la concupiscence aura disparu. 4. Les hommes ressusciteront-ils avec les appétits de la vie animale? Le Seigneur a dit, dans la résurrection, les hommes n'auront point de femmes, ni les femmes de mari. Matthieu 22, 30. La faculté générative a pour but de remplir les vides creusés par la mort et de multiplier le genre humain. Or, du moment que la race humaine aura atteint le terme fixé par Dieu, les opérations de cette faculté seront sans objet. Les autres actes de la vie corporelle n'existeront pas davantage après la résurrection. Le corps, qui ne sera plus sujet à aucune déperdition, n'aura besoin ni de nourriture ni de repos. Ainsi les appétits de la vie animale n'existeront point dans les corps ressuscités. Note. Il n'y a de jouissance pure que dans les délectations spirituelles, les seules qui doivent être recherchées pour elles-mêmes. Prétendre le contraire, ce serait ressembler aux malades qui, par un goût dépravé, trouve du plaisir dans des aliments que repousse l'homme saint. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.